ça va. Je vous sens pas spécialement très en forme. Non, mais on va se réveiller là, je pense. Mais ouais, c'est le temps qu'on se mette en forme, je pense. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous réveiller? Il faut que tu danses. Bon, perso, ah oui, comme il y a deux semaines, j'ai toujours faim. Donc, je lance un appel à tous les livreurs Uber Eats de Nancy. Charles a faim. Donc, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais commander. Voilà, je sais pas, classique, un petit kebab, tiens, ça fait longtemps. Eh bah, ok. Eh bah, impeccable, elle fait demander à tous les livreurs Uber Eats de envoyer un kebab. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Et les indébattables, alors qu'est-ce que c'est les indébattables? C'est le débat sur les sujets les moins logiques au monde. Et aujourd'hui, c'est Camille qui a choisi le sujet. C'est pour ça que je dis ça. Ah, c'est pour ça, d'accord. Non, mais pour l'occasion, je t'ai écrit un lancement. Attention, c'est l'un des produits phares du petit déjeuner, qu'elle soit dégustée avec du lait végétal ou animal, savourée seule ou accompagnée de toppings ou de fruits. Les céréales font le bonheur des petits et des grands gourmands. Et donc, la question que je vous pose, c'est quelles sont les meilleures céréales Kellogg's. Camille a précisé Kellogg's. D'accord, alors attends, je vais chercher des marques de céréales Kellogg's sur mon téléphone. Quoi, t'as pas préparé à l'avance, quoi? Si, bien sûr. Bah, je vais prendre celles que j'ai dans mon placard, en fait. Tu vois? Parce que ça veut forcément dire que j'ai. Bah oui, c'est pas bête, hein. C'est une bonne chose. Voilà, moi j'ai des Chocapic. Moi j'aime bien les Chocapic. Je pense que c'est les meilleures céréales, celles qui sont croquantes, bien qui croquantes, sont bingo au chocolat, bien enrobées, comme ça. Voilà. C'est pas mauvais, ouais, j'avoue. J'ai pas trop compris l'intérêt de l'accent. Il y en avait pas. Tu savais pas que les Kellogg's étaient mangés dans le sud de la France? Non, faut croire, écoute. Camille, attends, j'ai un doute si c'est des Kellogg's. Les trésors, c'est des Kellogg's? Oui, il me semble que c'est des Kellogg's. Moi, je choisis les Kellogg's parce qu'elles sont fourrées de chocolat et en plus, il y a plein de parfums. C'est vachement bon. C'est vachement bon. Et dans le lait, ça fond un petit peu, ça devient un petit peu entre non, le. Non, il faut pas mettre de lait dans ces céréales. Oh. Je pars de ce studio. Non, toi, t'es la seule personne sur Terre qui met du yaourt dans ses céréales au petit-déj. Et alors, pire que ça, des fois, elle met des yaourts quand elle est vraiment motivée, mais la plupart du temps, elle bouffe ses céréales nature avec rien dedans. Mais c'est trop bon. Je sais pas comment elle fait. C'est le goût des céréales, bien croquant. Ouais, mais attends, du coup, tu mets pas le lait plus le yaourt? Je mets pas de lait, moi. Elle met soit rien, soit un yaourt. Bon. Ouais. Bah, ça dépend. C'est sûr que si tu mets une danette au chocolat, c'est peut-être un peu trop. Non, non, un yaourt nature, quoi. Ouais. Mais du coup, si tu mets rien, c'est un biscuit normal, quoi. Enfin, bah ouais, j'aime bien, moi. Le vrai goût des céréales, du coup. Tu vois? Ouais, mais moi, j'aime bien quand elles ont un petit peu imbibé, mais pas trop, tu vois. Moi, j'aime pas. Tu sais, ça fait genre céréales toutes molles, t'as l'impression de manger les céréales dans maison de retraite. Mais pas trop. Faut pas attendre trop longtemps. Il y a tout un calcul de temps à attendre pour pouvoir. Ouais, non, mais alors là, ça devient compliqué quand même pour prendre son petit déjeuner. Alors, il faut que j'attende de 3 minutes, 36, sinon à 37, c'est trop mou. Enfin, t'en peux plus, tu vois. J'avoue. Et toi, Charles, on t'a pas entendu sur ton choix? Non, moi, j'ai pas d'avis. Tu ne manges pas. Je mange pas souvent de céréales. Sinon, j'aime plutôt bien les genre céréales fourrées, genre trésor, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Et sinon, moi, j'ai vraiment les céréales que je préfère de manière générale, c'est tout ce qui est muesli. Chez Kellogg's, ce serait la gamme extra, du coup. Ouais, c'est bon aussi, l'extra, j'avoue. Et du coup, les extras, j'en mange très souvent en bar. J'en ai dans mon sac à dos là tout de suite. Et là, tu mets pas de lait, c'est l'intérêt. Là, effectivement. Avec la barre de céréales, c'est rare que tu mets du lait. Bah non, mais voilà, c'est. Tu vois, les céréales, c'est fait pour être des céréales, les barres, c'est fait pour être des barres, c'est vraiment. C'est mais sinon, ouais, tout ce qui est genre muesli, j'aime bien. Ouais, c'est. Et ben du coup, je vous ai cherché quand même un sondage sur internet. Alors, c'est Topito, hein, c'est pas l'INSEE. J'ai pas trouvé mieux. T'as vu le sujet. 5000 personnes ont répondu quand même au sondage. Et bah, Mélie va être contente parce que c'est les Chocapic qui arrivent. Je sais, ouais. 1300 votes quand même. Ah, j'aurais pas dit. Voilà, et en deuxième on retrouve les trésors juste derrière. Voilà, après on a dans l'ordre Miel Pops, Coco Pops, Frosties, Golden Grahams, Lion, Nesquik, Crunch et Special K. Donc Special K qui arrive en 10e position, donc c'est les gens qui ont envie de se faciliter leur transit intestinal. Merci Gaël, il y a plein de trucs bons là-dedans. Et toi en fait, t'as pas dit c'est quoi? Moi ce serait plutôt les trésors, mais j'aime bien aussi les chocolats. Ah ouais, c'est vrai. Les petits en forme de cookies là. Non, c'est des petites tartines. Oui, c'est des cookies crisps. Ah oui, d'accord. Exact. On a cité 12 000 marques. Exact, c'est une forme de pain de mie. Oui, c'est ça. Ouais, j'aime bien en aussi forme ça, de pain de mie, c'est quoi ça? C'est un peu de noisette, caramel. C'est super bon ça. C'est un super goût de noisette. C'est vrai que c'est super bon ça. Et du coup, je vous ai cherché. Il y a une enquête de 60 millions de consommateurs qui a fait donc une étude sur les céréales. Évidemment, elles sont trop sucrées, trop machin. Mais je vais sortir la meilleure dans chaque catégorie. Donc, dans la catégorie céréales nature ou miel, c'est des Special Flex vendus chez Lidl qui ont la meilleure note. en termes de nutritivité. Et dans la catégorie céréales aux fruits, c'est du muesli bio avec des céréales toastées de chez Charles Vignon. Voilà. Et enfin, surprise, dans la catégorie céréales au chocolat, c'est le Chocapic qui s'en sort le mieux. Ah ouais. Ouais, évidemment, avec une note c'est de 14,5 sur 20. En même temps, les Chocapic, c'est bon, hein, c'est pas trop sucré, ça va. Et nutritif. Bah ouais, bon, moi, c'est un peu sucré quand même. Surpris. Ouais, parce que je me suis dit, on est Chocapic, ça va avoir une sale. Ouais, bah oui, oui. Et bah en fait, ça va bien. Et paf, ça fait des Chocapic. Et du coup, je me suis. Merci Camille. Bravo pour ce jingle. Je me suis amusé aussi à chercher les céréales vendues aux États-Unis. Donc évidemment, les préférés des enfants américains, ce sont les Lucky Charms. Les Lucky Charms, évidemment. Trop fort. Bien vu. Qui sont des petits trucs bien colorés. C'est des petites formes bien colorées. C'est vachement bon, j'ai déjà goûté une fois. Ah ouais? Bah oui. Oui. Ah, je crois que j'ai déjà goûté aussi. Moi, je m'en suis fait toute une montagne et en fait, c'est pas fou. Oui, je trouvais que c'était pas mal quand même. Moi, j'ai bien aimé. Après, on a aussi les Pokémon, qui sont un cocktail de petites perles aux fruits des bois et de morceaux de guimauve fluorescents. Oh là là, c'est pas des céréales, ça. Ouais, c'est pas des céréales. Non. J'ai oublié les céréales. On a des Lego aussi. N'importe quoi. Il y a même une marque de céréales qui s'appelle les Sour Patch. Tu peux carrément les acheter avec que les boules sucrées et pas les céréales. Oh bah d'accord. Ah oui, d'accord. Les céréales, mais juste avec la partie sucrée du paquet de céréales. Ah, tu manges ça, t'as des caries pendant 8 ans. Je pense que d'un point de vue nutritif, ça doit pas être terrible. Non, c'est clair. On a aussi les Cinnamon Toast Churros, donc c'est des churros à la cannelle. Non, mais c'est toujours pas des céréales. Bah oui, c'est sûr. Et maintenant, ils ont même une version ultime avec la forme de churros croustillant. Mais non, mais n'importe quoi. Bienvenue aux États-Unis. En vrai, ça doit pas être dégueu, hein, mais c'est pas des céréales. Bah voilà, c'est pas du tout des céréales. C'est du sucre en barre. Voilà, t'imagines manger ça au petit déjeuner, mais ça doit être lourd. Oh là là, les churros. Bah oui, c'est ça, c'est ton seul repas. C'est ça. Et enfin, je vais sortir, attention, la version ultime, le mash-up. Ils ont carrément mélangé les Frosties et les Fruit Loops dans le même paquet. Les Fruit Loops. C'est quoi les Fruit Loops? C'est des petits ronds de colorés, en gros, c'est ça. Voilà, donc là, ils ont carrément, ils se sont dit, Nico Mook, je mélange les deux trucs. C'est comme si nous, on avait des Chocapic avec du muesli, tu vois. Après, auditivement parlant, c'est mes mots préférés, hein. Fruit Loops et Frosties, j'aime bien. Ils sont, oui, c'est mignon comme petit mot, ça. Je trouve aussi. Tu sais, moi, j'aimerais bien avoir un petit chat, puis tu achètes Fruit Loops. Bah, c'est mignon comme ça, comme tu vois, c'est mignon. On est d'accord. Ce serait mignon. Voilà, c'est tout. Moi, donc, je parle plus céréales, moi, je parle nom de chat maintenant, mais c'est tout. Donc, on est d'accord pour dire que c'est les Chocapic qui ont gagné au final. Ouais, les trésors quand même. Hein. Les trésors, bon, voilà. Donc, je préfère trésors. N'oubliez pas qu'avec le code Lavoisina de 30 Chocopops, vous avez des réductions chez Auchan de 25% sur tous vos paquets de céréales. Ce serait bien. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ce débat très, très d'actu. Hein. Tout le monde en parle. Hein. Eric Zemmour a prévu de faire une conférence là-dessus. Mais tout de suite, on va sortir les grosses guitares puisqu'on va écouter le nouveau Muse avec One Step Down. I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take it. I'm playing you at your own game. I'm cutting you out. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Now I'm coming back, a counterattack, a psychological war. I'm cutting you in, I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Won't stand down, I'm cold, stronger. Won't stand down, I'm old, no longer. Won't stand. Il est 18h10 sur Fadjet, c'était le dernier single de Muse, Won't Stand Down. Jusqu'à 19h sur Fadjet, la voisinade, faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Et en ce jeudi 20 janvier, les histoires de Mélie sur un sujet que je ne connais pas du tout. Que je ne connais pas non plus, voilà, t'inquiète. Voilà, donc ça va être une impro de 8 minutes. Voilà. Si vous lisez, lancez un sujet sur le hashtag Twitter. Mélie, fais ta chronique pour une fois. Et on y va. Non, plus sérieusement. En fait, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de quelque chose d'un peu inhabituel. En fait, j'ai décidé de vous présenter un livre. Un livre qui s'intitule « L'histoire de France expliquée par la peinture ». Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je ne pense pas. Ça me dit rien. En fait, c'est un ouvrage qui... J'ai lu à la maison, quoi, mais... Oui, évidemment. Toi, tu l'as vu dans la bibliothèque, c'est sûr. C'est un ouvrage qui permet de découvrir les événements marquants de l'histoire de France à travers les grands chefs-d'œuvre de la peinture. Il a été écrit par Guillaume Picon, qui est un ancien professeur d'histoire-géographie. Donc forcément, c'est un superbe livre, voilà. Oh, il est bien vendu. Ouais, c'est un superbe livre que vous ne trouverez nulle part, à part dans les brocantes. Non, il est récent, regarde. Une belle couverture, bien plastifiée. C'est un gros livre. C'est un gros livre, ça peut faire cale-porte comme ça en plus. Ah oui, effectivement. Non, en vrai, pourquoi ce livre, il est top? Parce qu'en fait, c'est un livre qui permet d'apprendre l'histoire, mais vraiment d'une autre manière. De façon ludique, en regardant des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre, en décryptant des tableaux. Souvent, dans les ouvrages classiques d'histoire, il y a que du texte et on met une ou deux images de temps en temps, mais finalement, l'image, elle est convoquée juste pour appuyer le texte et pas l'inverse. Et du coup, dans ce livre, c'est vraiment l'inverse qui est fait. On part du tableau. Et on parle d'histoire après. Pour parler d'histoire. Et du coup, moi, je trouve que c'est incroyable parce que ça permet aux gens comme vous qui n'aimez pas trop l'histoire, finalement. Comme vous, les nuls. De vous intéresser un peu à ce sujet. Mais c'est fou, ils ont trouvé autant de peintures parce que j'ai l'impression qu'il est épais ton livre quand même. Et ben, donc, dans ce livre, il y a 60 peintures qui couvrent plus de 20 siècles d'histoire. Ah, quand même. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Et ça va de Jules César jusqu'à Pablo Picasso, en fait. Ok. Effectivement, donc, ça va loin. Ouais, ça la va peinture loin. Est toute trouvée pour lui, d'ailleurs. Hein, donc, c'est pratique. C'est pas faux. Et j'ai décidé, en fait, de vous présenter quelques-unes de ses œuvres. Donc, à la radio, c'est pas forcément facile, mais moi, j'aime bien les petits challenges comme ça. Donc, voilà. Et de vous exposer aussi les explications qui se cachent un peu derrière les tableaux. Comme ça. Alors, je vais commencer par les très riches œuvres du duc de Berry. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette miniature flamande? Attends, est-ce que tu peux tout répéter parce que j'ai rien compris. Les L-E-S. Les très riches heures du duc de Berry. Ok, non. Bah. On est obligé de répondre à ta question. Il était bleu, non? Blueberry. Mais en plus, vraiment bleu. Il y a vraiment du bleu dessus. Donc, les très riches heures du duc de Berry. Donc, moi, j'ai dans ce bouquin, en fait, c'est le mois de janvier, puisque sur ces enluminures, il y a le mois de janvier, février, mars, avril, etc. Et finalement, chaque mois va représenter un événement assez, qui se passe pendant ce mois-là. Donc, c'est une miniature qui a été réalisée par les frères de Limbourg. Je ne connaissais pas non plus avant d'étudier le tableau, rassurez-vous. Et en fait, les peintures, vraiment, elles vont servir d'illustration dans les manuscrits. Donc, c'est des choses qui sont assez, assez petites. Par exemple, donc, là, on a le duc de Berry, donc Jean de Berry, qui est un des seigneurs les plus puissants du royaume. Voilà. Oh. Et oui, en 1410, il a quand même passé les 70 ans. Hein, on est quand même sur de l'exploit. C'est le dernier frère encore vivant de Charles V. C'est pas n'importe qui non plus. Et c'est un homme très riche. Et donc, c'est exact. C'est pour ça aussi, en fait, qu'il peut commander des manuscrits et mettre des superbes enluminures dedans. Ok. Ça aide. Et en fait, ce qui est très intéressant sur ce mois de janvier, c'est que sur cette miniature, il y a des zooms qui ont été effectués pour pouvoir finalement décrypter ce qui se passe sur la miniature. L'idée, ça va être souvent, quand je pense que ça vous est déjà arrivé, quand on est devant un tableau, il y a des trucs qu'on voit, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Et bien là, tout est représenté. Donc par exemple, il y a des zooms sur un ou deux personnages. Donc on a un zoom sur le maître de cérémonie. Personne ne sait c'est qui, le maître de cérémonie, normalement. Et du coup, on a toute une explication qui explique que, muni de son bâton, l'écuyer tranchant ordonne aux pages d'apporter les différents plats. Ah, oui, donc c'est quand même quelqu'un qui est important. Et on comprend qu'il est au milieu du tableau. Et c'est intéressant parce qu'au-dessus de sa tête, en fait, on trouve la formule « approche, approche » qui invite les convives à présenter leurs hommages au duc. Et alors, moi, je vous le montre à vous, mais on mettra ça sur Facebook et Instagram, évidemment. Et en fait, le « approche, approche », si on n'a pas l'explication, ben, on ne voit pas vraiment ce que c'est. Bah oui. C'est ça. Ok. Et c'est donc, il y a tout qui est expliqué à travers la peinture et rien qu'en regardant, donc c'est pas une peinture à travers la miniature, mais vous avez compris, rien qu'en regardant ça, du coup, on peut comprendre un peu bah, finalement comment fonctionne la seigneurie du duc de Berry, qui est là, qui s'y trouve et quel est le but de ce banquet qui est représenté. Ouais, c'est pas mal, ça donne du petit dessin, hein, ça illustre, c'est sympa. C'est quand même mieux qu'un gros livre avec plein d'écritures, on est d'accord. C'est vrai. De toute façon, les gros livres avec plein d'écriture, c'est rarement une réussite hein, pour des on gens comme moi. On peut regarder juste les images. Et du coup, oui. Moi, je vais regarder juste les images. Tu peux peut-être apprendre des choses quand même. Hein. En fait, c'est un livre photo qu'il te faut, toi. C'est ça. C'est mieux, je pense. Sans une bonne photo, c'est bien. Sans explication. Et en plus, tu me donnes une superbe transition, donc merci. Mais c'était fait exprès. J'ai aussi envie de vous parler donc, de l'accueil du grand condé à Versailles par Louis XIV, qui a été fait par Jean-Léon Jérôme. Pardon. Et en fait, lui, il est vraiment convaincu que la peinture est en mesure de rivaliser sur le terrain avec la photographie. Tu vois la transition que tu m'as donnée quand même. Ah ouais. Magnifique. Ah oui. Ouais, il a sûrement décalé. Il l'a senti. Et donc t'es sur Capix, c'est... Non. Il est en décalage, c'est normal. Moi j'aime bien les Wesley. Il est en duplex. Et donc en fait, donc, Jean-Léon Jérôme, il va présenter aussi un tableau donc, de l'arrivée du Grand Condé à Versailles. Et de nouvelles choses, on va avoir, je termine et c'est fini, et on va avoir en fait à chaque fois des personnages qui vont être décrits avec des zooms. Et du coup, ça permet de comprendre finalement ce tableau, pourquoi il est là, qui est sur le tableau, et du coup d'apprendre l'histoire en s'amusant. Voilà. Youhou ! T'as vu comment je suis gentil ? J'ai attendu pour poser ma question. Jean-Léon Jérôme, c'est quoi son prénom ? De quoi ? c'est Jean-Léon et Jérôme, je pense. Je sais pas, t'as dit Jean-Léon Jérôme. Donc, soit il s'appelle Jean-Léon Jérôme et du coup. Non, c'est trois mecs différents. Mais c'est ça, c'est Jean-Léon et Jérôme. C'est comme les trois frères, tu vois, c'est les inconnus. Il y a Jean, Léon et Jérôme. En tout cas, c'était crucial hein, comme question. Non, mais c'est, alors, t'as vu quand même comment j'ai progressé. Je me suis dit, comme c'est une question de merde, je vais lever la main. Bah ouais, non, comme mais. Comme ça, j'emmerde pas les autres. Ce qui est marrant, c'est que t'as levé la main et du coup, Mélie, il y a cru qu'elle devait fermer sa gueule. Je t'appelle, Quand j'ai envie que tu les fermes ta gueule, je fais genre, je te coupe comme ça, tu vois. Ah bah j'ai pas compris le signe. Il te reste encore 30 secondes si tu veux rajouter quelque chose. Après je vais vraiment après, t'es pas obligé hein. On met au point notre émission en direct hein, après, y a pas c'est, pas c'est un pilote, il ne sera jamais diffusé. Mais si. Et en fait je voulais simplement terminer par une seule peinture. Mais ça va aller très vite. C'est une peinture qui est très connue sur la séance d'ouverture de l'Assemblée des États Généraux Oui je connais. En 1784 là, bah oui tu étais. Bah oui t'étais même Louis XVI. T'as perdu ta tête d'ailleurs, tu feras attention. Enfin bref, et sur ce une tableau. Une fois que tu l'as perdu, tu peux plus faire attention. Enfin, ouais, mais bon, c'est pas grave. Tu peux faire attention à tes pieds. Ouais, oui, bah oui. Et sur ce tableau, encore une fois, on retrouve des zooms mais qui sont assez intéressants et qui permettent carrément, bah, finalement, de comprendre ce qu'est la Révolution française et quels sont les grands ordres. Enfin, les trois ordres qui font de la société à cette époque-là. Après, il y a un petit piège, hein, parce que je vois qu'il y a quand même des gros textes à côté de tes peintures. Hein. Ouais, mais alors, ils servent à rien, tu vois. C'est pas la peine de mentir aux gens. Hein. Franchement, là, ça, le texte qui est à droite du tableau ne sert strictement à rien. Ouais, ça passe, alors. En tout cas, je te remercie pour ce livre que je n'achèterai pas, mais qui, je pense, peut intéresser les gens qui s'intéressent à la peinture. Prêter, hein. Non, c'est rare, j'ai déjà plein de livres à lire. Il y a des grandes images, t'es sûr, tu veux pas ? Non. Même si c'était des vidéos dans ton livre, j'aurais pas envie de regarder. En tout cas, merci beaucoup, Mélie, pour cette belle chronique. Et à 18h19, on va écouter le nouvel artiste montant, celui qui a le droit à sa publication Facebook sur Fadjet, puisqu'on va écouter Ben Platt avec Chasing You. Keep playing hard to get. Don't wave your white flag yet. Just when I think I've settled into you and me, you leave me out of bed. I'm running on a treadmill. Your heart is dangled in front of me. c'était Ben Platt avec Cheesy New, la nouvelle star montante de mon salon. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont. Et à 18h23 sur Fadjet, c'est Charles, le spécialiste de jeux de société de toute la planète. Voilà, pour moi, tu es le meilleur spécialiste de jeux de société. Quand même. Parce que tu es surtout le seul que je connais. Alors, Charles, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais enfin continuer un petit peu ma série de Par quoi on remplace tes jeux nuls. Ah oui, j'aime bien. J'avais du coup commencé toute première chronique, toute première émission par quoi remplacer le Monopoly. Parce que le Monopoly, c'est long et c'est chiant. Du coup, je vous ai proposé plein d'alternatives super cool. Et du coup, aujourd'hui, je vais m'attaquer à un autre géant du jeu de société que vous avez tous vu passer au moins une fois en famille sur vos tables. La bonne paye. Le Uno. Ah bah oui. Encore plus classique que la bonne paye. C'est clair. Le Uno, alors, je vais vous proposer quelques jeux qui vont remplacer le Uno, parce que bon, le Uno, c'est très hasardeux, enfin, c'est beaucoup de hasard. On s'amuse pas toujours, c'est un peu en pilote automatique et c'est pas hyper marrant. Oui, toujours des règles qu'on comprend pas. Non, en plus, tu peux t'amuser. Tu peux t'amuser, mais on y a joué tous au moins 50 fois. Ah bah oui, ça commence à être chaud. Mais il y a des règles qu'on comprend pas aussi au Uno. Ouais, personne n'a les mêmes règles. Personne n'a les mêmes règles. C'est une horreur ce jeu. C'est effectivement le fait maison à chaque fois, ça change. Alors, le premier jeu que je vais vous proposer, c'est le plus proche du Uno que je connaisse et qui est vraiment fun à jouer. Non, c'est pas le DOS. Il s'appelle Graal. Graal, donc comme le Saint Graal. Graal, c'est un jeu qui se joue avec une mécanique qui est hyper proche du Uno. Le but du jeu, c'est de se vider de sa main en jouant des cartes qui soient soit de la même couleur, soit du même symbole que la carte précédente. Donc, au lieu d'avoir des chiffres, on a des symboles. Mais il a quelques twists intéressants. Déjà, ça se passe dans un univers qui est la légende arthurienne, ce qui est plus cool que juste des chiffres et des couleurs. Donc, légende du roi Arthur. Et il y a des je cartes. Je serais l'animateur, en fait. Moi. Ouais, non, lui, il n'a pas trop une légende. Non, c'est sûr. Et du coup, voilà, chaque joueur, en plus, il y a quelques twists. Donc, chaque joueur va avoir un personnage. Donc, on peut incarner Lancelot. Ou autre personnage avec un petit pouvoir du coup qui va rajouter un petit twist. Et aussi le jeu il va se passer en 4 manches, donc il y a 3 premières manches qu'on va appeler des quêtes, où en gros le premier qui gagne cette manche là, donc il va se vider de sa main, il va gagner la quête et du coup il aura une carte qu'il aura lui et qui sera seul à avoir, donc pour l'avantager pour la dernière manche qui est le tournoi. Et le tournoi c'est assez marrant, il y a un petit twist aussi, c'est en fait une partie où le premier qui aura plus de cartes en main, il n'a pas gagné automatiquement. En fait, il va pouvoir éliminer un autre joueur et prendre ses cartes. Ok. Et en gros, le gagnant, bah, c'est le dernier survivant. C'est celui qui sera arrivé à 0 cartes en dernier. Ouais, c'est l'inverse. Et du coup, on prend l'inverse. Ok. Effectivement. Ouais, ok. Et c'est super sympa, c'est voilà, une petite twist intéressante. Ça va, c'est une variante quand même assez différente. Ouais, c'est assez différent. Et puis voilà, c'est déjà un peu plus joueur parce qu'il y a des pouvoirs, faut les utiliser au bon moment. Et il y a peut-être quelques petites règles en plus que je vous explique pas parce que ce serait trop long, mais c'est vraiment un petit jeu super sympa. Le deuxième, alors juste j'ai pas fait mon petit classique. Le petit prix, machin, stats, le code promo, voilà. Graal 3 à 5 joueurs. Alors c'est le seul défaut de ce jeu, c'est qu'il se joue que jusqu'à 5. Là où Uno peut jouer jusqu'à 28. C'est ça. Graal c'est 3 à 5 joueurs, c'est des parties de moins de 30 minutes. Donc tous les jeux de ce soir seront moins de 30 minutes. Ah, ça c'est bien, ça on aime bien. À partir de 8 ans et pour la modique somme de 13 euros. Et en plus c'est pas cher, ouais, c'est parfait. Le deuxième sur la liste, c'est le plus grand succès. Beaucoup de gens en ont entendu parler récemment. Je pense que Camille et Galen, vous l'avez, c'est Skyjo. Ah oui. Je l'avais plus le nom, mais je vois le jeu. Ouais. Alors Skyjo, bon effectivement, c'est encore un jeu de cartes qui a un rapport avec le Uno, là où les cartes ont des couleurs et des chiffres. Alors c'est très différent en termes de gameplay. Hein. En gros, on va chacun avoir un quadrillage de 4 sur 4, je crois. Et en gros, le but, ça va être de révéler ses cartes en prenant dans une pioche pour avoir à la fin le plus petit score possible dans notre quadrillage de 4 sur 4. Okay. Alors, je connais pas les règles par cœur, donc je vais pas vous les faire plus en détail que ça. Mais moi, c'est un jeu qui m'attire pas, en particulier parce que je le trouve super moche. Les cartes sont. Ouais, j'avoue, ça joue, hein. Le jeu est très moche. Je trouve aussi, ouais. Et du coup, ça me bloque un peu, mais c'est un succès monumental. Ça fait 2 ans qu'il est dans les top ventes de toutes les boutiques. Enfin, C'est un super jeu. Imagine le succès s'ils avaient fait des efforts sur les illustrations. Ouais, c'est clair. Et voilà, donc je vous le recommande. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé, mais je vous le recommande quand même. Donc Sky Joe, c'est 2 à 8 joueurs, donc un peu plus de joueurs, ça c'est plutôt cool. Pareil, moins de 30 minutes, 8 ans et plus, et une quinzaine d'euros aussi. Donc pareil, on est dans le pas très cher. Le suivant sur la liste, et ça c'est un jeu auquel j'ai encore jamais joué, mais c'est un de ceux qui m'excite le plus dans cette liste, enfin, que j'ai le plus envie d'essayer. C'est Mytho. Veut dire qu'on va bientôt l'acheter, ça, je pense. C'est ça. Ouais. Il a déjà commandé, il arrive demain. Pas spécialement, parce qu'on est quand même sur tout ce qui remplace le Uno, c'est pas mon cœur. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, forcément. Mytho, c'est un jeu qui. La règle de base, c'est un peu la même, c'est on a des chiffres et des couleurs. Ah, mais oui, je connais, les enfants, ils jouent avec, je crois. Sauf que Mytho, il a une particularité que je trouve hyper marrante, c'est qu'on a le droit de tricher. Mmh. En gros, dans le jeu. Il n'y a pas un cafard dessiné sur la boîte. Tout à fait. Dans le jeu, tu as le droit de tricher, donc de te débarrasser discrètement d'une de tes cartes sous la table. C'est un bordel, ça. Et effectivement. Et le but, en fait, de ce jeu, c'est de tricher sans se faire cramer. Après, il y a quelques règles dans la triche. Hein. Tu n'as pas le droit de te débarrasser de plus d'une carte à la fois. Ça aurait tué un autre joueur. Tu n'as pas le droit de brûler les cartes non plus. Bon, voilà. Toujours dans le respect et la bonne humeur. Voilà. Mais voilà, c'est un peu le jeu le plus chaotique et le plus marrant de la liste de ce soir. Puis c'est laisse place à l'imagination un peu. Ouais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour me débarrasser. T'as plein de techniques, tu peux mettre plusieurs cartes en même temps discrètement, tu peux en glisser sous la table, tu peux en foutre dans la main de ton adversaire à côté s'il fait pas gaffe. Il paraît que c'est le jeu préféré au Conseil des ministres. je dis ça comme ça. Hein. Ouais, moi je dis ça, j'ai rien. En vrai, c'est un bon jeu. Moi, pour avoir joué avec des enfants, alors tu te tapes des fous rires. Bah, c'est incroyable. Je pense que le plus marrant, c'est quand quelqu'un se fait cramer, je pense. Ce qui doit arriver très souvent parce que. Du coup, Mytho, c'est un peu comme Graal. Le même problème, c'est que c'est que 3 à 5 joueurs. Ouais. Même si en je même pense temps, si que... tu commences à tricher à 12 joueurs, ouais, ça devient c'est le problème, quand c'est qu'il faut quand même suivre les autres. Et si t'es 8 à suivre, c'est compliqué. Moins de 30 minutes, 7 ans et plus, et une douzaine d'euros. Si t'en as un dernier, tu peux le faire, mais en 25 secondes. C'est ce que j'ai dit. Ben, on va faire très vite parce que c'est un peu spécial dédicace à vous. Moi, je voulais conseiller un jeu coopératif, un dernier qui s'appelle The Crew. The Crew, on en a parlé plein de fois. C'est le jeu préféré de Gaëlle. C'est le meilleur jeu de l'année. On en a parlé il y a deux semaines d'ailleurs, puisque Gaëlle l'a évoqué comme étant son jeu préféré de 2021. Donc, The Crew, c'est un jeu de pli coopératif avec des missions et c'est super bien. Et c'est à 15€, achetez-le. Comme on en a parlé plein de fois, on peut aller vite, c'est parfait, c'est ça. Voilà. Eh ben nickel, parfait. Ça, c'était prévu. Quelle belle chronique ça. Donc maintenant, ça se voit que tu as travaillé. Ouais. Si je croise quelqu'un qui joue au Uno dans la rue, on a évidemment le droit de lui péter la gueule. Allez tout de suite, à 18h30. J'ai dit le respect, la bonne humeur. Ouais, ça va, c'est du respect. J'en avais marre qu'on ait froid, donc j'ai mis une chanson un peu qui parle de soleil. On va s'écouter Y'a du soleil de Christophe Maé. 1, 2, 3, 4. Et c'était Christophe May, il y a du soleil. 18h, 19h sur Fadjet, la voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous ? Et le génie de l'actu, je répète le principe, je pose des questions à mes chroniqueurs et après on discute de ce que j'ai raconté. Alors qu'il y a des points à compter, mais on les compte jamais. D'ailleurs, ça fait au moins trois fois qu'on fait pas le gage. Hein, ouais. Parce qu'il y a un moment, on a lâché l'affaire. Le concept de cette chronique, on l'a carrément oublié. Allez, on va commencer par. On joue pour l'honneur. C'est ça, on joue pour l'honneur. De toute façon, à chaque fois, il y a égalité, j'ai l'impression. Oui, il y a toujours égalité. Vous avez tous zéro point. Non, n'exagère pas quand même, n'exagère pas. Allez, aujourd'hui, on va parler d'une étude qui prouve que faire cette chose empêche de dormir. C'est pas un truc trop classique du genre les écrans. Je suis pas parti très loin. Il faut que tu trouves un peu plus que ça quand même. Regarder un film avant de dormir. Non, c'est sur les réseaux sociaux. Sur TikTok. Exactement. Une étude a démontré qu'en fonction du réseau social consulté, la nuisance est plus ou moins importante. Donc ça dépend du réseau sur lequel tu vas. Ah oui, je pense que ça dépend de à quel point ça te laisse accrocher au téléphone. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, ils ont sondé donc 2000 Américains, dont 78% utilisent leur smartphone pour s'endormir. Et donc, ils ont fait un test, ils leur ont mis des montres connectées, ils ont calculé leur sommeil. Et du coup, le pire réseau, c'est TikTok, puisqu'en général, quand ils ont regardé TikTok, ils ont dormi au bout de 1h07, alors que le temps normal, c'est 25 minutes. C'est énorme. Oui, j'avoue, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Le temps normal parmi ceux qui utilisent leur téléphone. Oui. Oui, ok. C'est-à-dire que si tu utilises TikTok, tu mets 1h07, et si tu n'utilises rien, tu mets 25 minutes pour t'endormir. Je pense qu'il doit y avoir aussi, parce que le contenu qu'il y a sur TikTok est peut-être plus énergique que ce que tu peux trouver sur d'autres réseaux. Exactement, et c'est ce que j'allais dire derrière, parce qu'effectivement, TikTok est très populaire, car c'est un réseau social qui libère de l'adrénaline et de la dopamine. Ah ouais. En fait. Parce que du coup, l'addiction que t'as à voir les prochaines vidéos, en fait, c'est pour ça qu'après, t'as plus envie de dormir, parce que t'as pris tellement d'infos dans le cerveau qu'après, t'as plus envie de dormir. C'est terrible. Voilà, donc c'était la petite étude du jour. Donc moi ça va parce que je regarde le matin TikTok. Donc du coup, ça me réveille. Bah, moi TikTok ça m'aide pour le transit. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, TikTok. La semaine prochaine, vous retrouverez les conseils bien-être de Charles sur Fadjet. On fera une petite émission d'un quart d'heure juste avant la voisine. Ça va être sympa. Allez, on va partir en Angleterre où une nouvelle boîte de nuit est apparue sur TripAdvisor. C'est une boîte de jour, du coup. Pardon. Je sais même pas quoi répondre. Non, à la base, c'est pas une boîte de nuit. Mais c'est devenu une boîte de nuit sur TripAdvisor. À la base, c'est une école qui s'est transformée en boîte de nuit. Non. C'est un concept normal. C'est juste que c'est un truc qui n'était pas une boîte de nuit avant. C'est ça. Ça n'est toujours. Je sais, l'Elysée, du coup, non ? L'Elysée. Alors, l'Elysée, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle dit ? L'Elysée de Londres. Alors, c'était un bar français ou un restaurant français, mais c'est rien d'autre que ça. Qu'est-ce qu'il y a ? On a perdu. Ça y est, elle est partie. Ah oui, à Londres, la Maison Blanche. Je pense que c'est ça. On avait je le sens, j'ai le point là. Non, mais je pense que je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas la bonne réponse. On a perdu Mélie. Là, elle est... Bon, du coup, il reste plus que vous. Ouais, c'est un monument historique. C'est oui. Ça ouais, c'est Big Ben, en discothèque. Quoi. Non. Mais c'est pas Big Ben. C'est toujours pas une discothèque. Attends, parce qu'il faut que je me rappelle des monuments qu'il y a là. C'est l'Elysée londonien. C'est Buckingham Palace. Non, mais non. Non, mais je sais pas. C'est moi. Pas l'Elysée londonien, mais. Oui, mais je connais rien. Moi, je suis con. Mais j'ai compris. Je sais ce que c'est, mais j'ai. C'est le 10 Downing Street. C'est l'endroit où travaille Boris Johnson. C'est le directeur de Fast and Furious, non ? Mec, l'équipe. J'ai voulu. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une enquête il y a pas longtemps qui est sortie dans les journaux anglais. Comme quoi, tous les vendredis, il y avait des espèces de petites soirées au 10 Downing Street. Mais ça a été aussi pendant le Covid. Ah, ça me dit quelque chose. Et en fait, ils se sont rendus compte que pendant le Covid, pendant les restrictions, et ben en fait, Boris Johnson, il se tapait des bières avec ses collègues. Oh ouais, ça j'ai entendu. Et du coup, les Anglais, ils se sont dit ah ouais, il fait ça. Et du coup, ils se sont tous mis sur TripAdvisor, ils ont mis des commentaires, et je vous ai pris les trois meilleurs. Beau jardin, idéal pour les fêtes, beaucoup de place dans le frigo pour le vin. Aussi, la meilleure boîte de nuit secrète d'Angleterre. Et enfin, l'un des rares lieux où vous pouvez organiser une véritable fête pendant les fermetures de Covid. Pas de restrictions, mais beaucoup d'alcool ici. J'adore quand les gens ils font ça, ils mettent des trucs sur TripAdvisor alors que c'est pas censé être des lieux publics. C'est trop drôle. J'adore aussi, moi. Et dans l'enquête, on apprend quand même que Martin Reynolds, donc le secrétaire personnel de Boris Johnson, avait mis dans les mails pour les fêtes « Apportez votre alcool ». Donc, ça fait tâche. Je vous cache pas que Boris Johnson est un peu dans la merde en ce moment. Ah bah j'imagine, oui. C'est pour ça qu'ils ont voté la fin des restrictions. Des restrictions coup, ah oui. Comme ça au moins, je vais faire une soirée tranquille. Tout le monde fait ses soirées, personne ne fait chier. C'est ça, exactement. Voilà, donc du coup, sur TripAdvisor, maintenant, c'est la meilleure boîte de nuit d'Angleterre, selon les notes. Ça, ils ont changé le lieu. Allez, on va partir en France où deux hommes ont été interpellés par la police. C'est pas de chance, ça. Mais je vous laisse deviner pourquoi. Ils ont été interpellés à la base pour un contrôle routier, sauf qu'ils ont découvert autre chose. C'est des voleurs. Oui. De télévision. Non. C'est des voleurs de lave-glace. Ah oui. Alors, pour les auditeurs, je précise que Mélie s'est fait voler son bidon de lave-glace sur son parking depuis deux jours et que depuis, elle en boucle. Et elle a carrément affiché sur l'ascenseur un mot ordonnant à la personne qui a lavé le lave-glace de ramener le lave-glace. Parce que c'est super important le lave-glace quand même. Du coup, comme elle lave vraiment au travers de la gorge, vous pouvez l'entendre. C'est ça. Non, c'est pas du lave-glace. T'imagines, on aurait trouvé des gars avec 8000 litres de lave-glace dans le coffre. J'aurais pu récupérer mon bidon comme ça. En plus, c'est pas si loin. Donc, c'est dans le département de l'Aube. C'est quelque chose qui rentre dans la voiture. Oui. Qu'ils ont retrouvé du coup directement en dans le coffre. Okay. Dans le coffre. Pas caché, hein, dans le coffre. Ouais, donc, c'est pas des trucs dans les pneus, c'est pas. Des vêtements. Genre des vêtements volés ou des choses comme c'est, ça. C'est pas des vêtements, mais c'est des trucs qui valent pas très cher à l'unité en tout cas. D'accord. C'est en tout cas la con que. Ouais. Dis pas quelqu'un l'a volé, quoi. Tu peux. Genre des paires de chaussettes. Ouais, c'est un truc que tu peux avoir chez toi. Des rouleaux de PQ, non. Des bouteilles d'eau. Non. Ah oui, ça peut pas, c'est pas alimentaire. Si. Ah. Si, c'est alimentaire. Des Kellogg's ? Des Kellogg's ? Non, j'ai pas les Kellogg's dans la liste. Et bah, les pâtes. On s'en rapproche. Presque. C'est presque. Du riz ? Non, c'est un. De la purée, des pommes de terre ! Et Jean-Pierre Coff, il va se tomber là. Non, c'est un truc qu'on a tous dans le frigo, c'est un truc de première nécessité. Du lait ? Dans les. Du non. Beurre. Du beurre. Voilà, du beurre. Charles Alpoint, effectivement, deux hommes originaires de Géorgie ont été interpellés samedi. Après un contrôle routier, ils transportaient dans leur voiture 80 plaquettes de beurre. Mais pourquoi ? Voilà, et du coup, c'est la quantité de beurre inhabituelle qui a mis la puce à l'oreille des gendarmes. Ils ont trouvé 80 plaquettes de beurre, des sucreries Kinder et des sneakers sans pouvoir présenter de facture. Du coup, ils ont été mis en garde à vue pour recel. Oh, ils devaient être dégoûtés. Voilà. Mais c'est horrible. Surtout qu'en plus, il y avait eu un vol à Auchan juste avant, une semaine avant. Donc, du coup, ils se disent que c'est eux qui ont volé. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font avec tout ce beurre ? Je comprends pas. C'est des Bretons. Ils vont faire des crêpes par ça, c'est sûr. C'est clair, c'est des Bretons, c'est sûr. Je comprends pas. Ils ont pas trouvé de caramel, mais des potes bien loin. Mais tu sais, 80 plaquettes de beurre, tu peux faire qu'un cuillère. C'est pas tant que ça. En fait, c'était juste un boulanger qui allait au travail, quoi. À mon avis, ils voulaient mettre du beurre dans les épinards. Pardon. Oh, on est en forme ce soir. Moi, j'aime bien. Alors, on va changer de sujet. Hein. Non, s'il vous plaît. Le chiffre de la semaine, c'est 5 heures. 5 heures. Ah, c'est mon sommeil. Nombre d'heures de sommeil. Non. De la semaine, oh la vache. De la semaine. Non, c'est le chiffre de cette semaine, mais ça veut pas dire que ça se passe sur une semaine. Oui, non, mais. Donc, ça serait même un chiffre journalier. 5 heures. C'est le temps moyen passé sur un écran de télévision. Un écran smartphone, non, je te le donne. Ah ouais, bon, Charles a déjà gagné le génie de l'actu. Pour une fois, ça va être plus simple à compter. Donc, ça ressemble beaucoup à la première. Hein, oui, attention. Ouais, tu t'es pas foulé, toi, pour tes chroniques aussi, hein, décidément. Ta gueule. Non, mais un peu de gentillesse. C'est une étude qui n'a rien à voir, justement. Tu dis déjà parce que t'as le seum que j'ai gagné. C'est ça. Dans le monde entier, il y a 3800 milliards d'heures d'utilisation totale sur les téléphones. Et on passe donc presque 5 heures par jour. C'est 30% de plus que les deux dernières années. Donc c'est pour ça que l'étude est super importante. Et sur 10 minutes, on a 7 qui sont consacrés aux interactions sociales ou les applications de photos et de vidéos. Ouais, mais c'est parce qu'on se fait chier. Voilà. Et maintenant, mais le coronavirus, tout est fermé, on peut rien faire. Alors il est sur le téléphone, quoi. Bah, tout est fermé, il n'y a que les boîtes de nuit, hein, qui sont fermées. Non, mais maintenant, mais là, c'est au cours des deux dernières années. Oui, c'est ça. Il y a eu des confinements partout. C'est une moyenne sur 2 ans. Il y a eu des confinements, il y a des machins. Je pense que ça explique en grande partie ce. Ouais. Et ils ont même classé en 3 générations différentes. Donc la génération Z qui a tendance à privilégier les applications de photos et vidéos, donc c'est les moins de 25. Après, il y a ceux qui commencent à devenir vieux, les millennials, donc moi, entre 25 et 35, qui l'utilisent pour faire leur shopping, consulter les informations de la finance et la nourriture. Donc c'est ce qu'on va faire après l'émission. Hein, le shopping. On va consulter la finance sur mon téléphone. C'est ça. Et enfin, les vieux de la génération X et les baby boomers qui consultent pour, c'est bien lié à ça, les applications médicales, d'information et de météo. Super. Donc c'est pas du tout cliché. Non, à peine. Et en 2021, il y a quand même eu 230 milliards d'applications téléchargées et dans le monde, il y en a 435 000 par seconde. Ah ouais, c'est énorme. Donc on est vraiment devenu accro. Pour ça y est, le mobile va devenir le support numéro 1. C'est bien pratique hein, quand même. Ah bah oui. Oui, c'est clair, c'est bien pratique. Allez, on retourne en France. Encore avec des gendarmes, ils ont été appelés pour intervenir, mais pourquoi ? Pas des mecs qui avaient volé des crêpes ou un truc comme ça. On change de sujet. C'est pas en Bretagne ? Non, c'était dans l'Aube. Encore ? Ouais. Mais il se passe plein de choses là-bas. Et c'est... Bah donc ils ont été appelés pour un truc un peu insolite alors. Ah oui, oui. Bah ils ont pas été un... Non, il y avait un mec qui a grimpé. Je vous rappelle qu'il vient de nous faire des écrans il y a deux minutes. Oui, hein. C'était pour vous cultiver un petit peu. Ils ont été appelés pour quelqu'un qui volait des sapins de Noël, non ? Non. Il n'y a pas eu d'histoire de vol. C'est plutôt ils ont rencontré quelque chose sur la route, c'est inhabituel. Un animal ? Oui. Ah, Genre un crocodile ? Non, des cochons ? Non. Alors, plus original qu'un cochon, mais moins qu'un crocodile. Je dis pas que c'est courant, un crocodile c'est quand même assez peu courant. Plus original qu'un cochon, des cerfs, et moins qu'un crocodile. Ou des sangliers, il y avait des sangliers qui passaient sur le chemin. De loin, tu pourrais peut-être le prendre pour un cerf, c'était très loin. Un caribou. Non, un caribou dans l'eau. Oui, bah oui. Tabernacle. Des biches, ouais. Un élan pareil dans l'eau. Un élan dans l'eau. Un cheval. Non, mais c'est à quatre pattes et ça à peu près, on peut monter dessus. Mais c'est pas un cheval, c'est pas un âne. C'est un peu plus Amérique du Sud. Un lama, exactement. Il y avait un lama. Il y en avait trois. Des lamas dans l'eau. Eh bah oui, il y avait un propriétaire de lama. En fait, ces lamas se sont échappés. En fait, ils ont traversé la route, tout simplement. Donc, ils expliquent qu'ils ont appelé les gendarmes pour les récupérer. Sauf que les gendarmes, quand ils sont arrivés, les lamas, ils en avaient rien à foutre. Ils ont voulu se barrer. Ils ont réussi à trouver le propriétaire. Parce que, comme disaient les gendarmes, ils n'ont pas de laisse à lama dans leur véhicule. Donc, du coup, et même le propriétaire qui est arrivé, il n'avait qu'une laisse sur lui. Donc, il est venu avec un seau à graines. Il a hâte après le premier lama. Et comme lama, il se kiffe. Et en fait, quand il y en a un qui part, et tout le monde suit. Oh, voilà. Donc, les gendarmes sont. Et t'imagines, toi, tu fais ton diplôme pour devenir gendarme et on t'appelle pour des lamas. Oui, quoi. Faut que t'ailles attraper un lama, là. T'es préparé à tout sauf à ça, quoi. C'est ça. Ouais. J'espère que le gendarme s'appelait Bernard Lama. D'accord, merci. Ou Serge, mais bon. Serge, c'est mieux, ouais. Canada, c'est ça. Comment ? Non, rien, je disais, la prochaine chronique, c'est à Camille. C'est ça, la prochaine chronique, c'est à Camille, ça tombe bien, parce que c'était la dernière actu, donc on peut largement dire que cette fois, Charles a gagné. Ouais. Pour une fois, il n'y a pas trop de doutes sur les coups. Non, là. Entre donc, Camille qui a répondu à un bison et moi qui ai dit l'Élysée en Angleterre. Je l'ai quand même vachement aidé sur l'alimentaire, il a trouvé beurre, mais bon, j'avais quand même. T'as vu un bison dans l'eau de Camille. Pourtant, t'as des origines de Bretagne un peu, donc t'aurais dû trouver. Je disais, tu manges du beurre sur du beurre, tartine de beurre sur du beurre, quoi. Et tu peux le beurre le matin, c'est bien connu. Et t'écoutes Nolwenn quand tu prends le bus, oh là là. Enfin bref. Justement, après, on va parler de voyage, ce sera avec Camille, mais juste avant, à 18h46, on va s'écouter l'un des derniers singles de Kyo. De toute façon, comme tous les jeudis, on passe du Kyo. Bien c'est sûr. Quand je serai jeune. Jeune, je prendrai la part des lions. Je ne prendrai plus les oui pour des noms. Accrochés aux aiguilles des pendules, je ferai tout pour que le temps recule. Quand je serai jeune, je quitterai les bandes touches. Je serai capitaine de l'équipe de foot et j'apprendrai aux grands qu'on grandit pas en marchant sur plus petit que soi. Et quand je serai jeune, je te prendrai dans mes bras. J'essaierai de rire plutôt que de rire de toi. Et je m'entraînerai des heures dans la cage pour casser la gueule au bizutage. Jeune, je ne jouerai pas la montre. J'aurai moins peur de faire des rencontres. J'arrêterai de lire les dernières pages pour m'épargner la fin des voyages. Quand je serai jeune, je prendrai ta part d'ombre pour en faire de la musique du monde. Et je découperai des morceaux de nuit pour te faire des robes d'origami. Et quand je serai jeune, je referai plein d'erreurs pour grossir des pages pour habituer mon cœur. Et je te dirai de garder notre enfant pour te garder avec moi plus longtemps. Ce sera mieux avant. La fin du commencement, ce sera mieux avant. Ce sera mieux avant. La fin du commencement. Quand je serai jeune, je prendrai la tangente, toujours perpendiculaire à la pente. Je lâcherai les combats perdus d'avance, je laisserai moins de place à la chance. Et quand je serai jeune, je volerai dans les plumes, je prendrai mon étoile et ma parcelle de bitume. Je t'empêcherai de prendre le volant un 3 décembre avec 3 grammes dans le sang. Et c'était Kyo, quand je serai jeune, et je fais le petit instant pub. Kyo est en concert à Neuf-Maisons le 1er avril. Les billets sont disponibles sur fnacspectacle.com et sur Ticketmaster. On y sera tous les quatre de la voisinade. Donc si vous voulez... Oui, c'est vrai. Voilà, Charles se réveille, voilà. Ouais. C'était juste la petite pub. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Camille, how are you today? Tu triches. Je connais le contenu, en tout cas le thème de la chronique que Camille, et comme vous avez pu le deviner avec ma langue, on va visiter l'Espagne. Ouais, c'est la joie, ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? La joie. Les 10 dernières minutes, c'est toujours là où ça devient n'importe quoi, l'animateur est en roue libre. Voilà. Pourquoi je suis à la fin, moi? C'était comme ça la dernière heure, moi. Après, bon, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est la fin du commencement, comme disait Kyo juste avant. Tout à fait. Camille, tu peux parler par contre du coup maintenant. Eh ben, je vous emmène aux États-Unis. Voilà. Donald Trump. Je vous emmène visiter les parcs nationaux. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y a quand même 63 parcs nationaux aux États-Unis. C'est marrant, je connais un jeu qui parle des parcs nationaux. Ouais. Ça y est, on a la transition. J'aurais dû te demander de faire la transition. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc ouais, on a 63 parcs nationaux. Le premier qui a été créé, c'est le parc de Yellowstone. Trop bien. Ah, non, mais j'ai dit des conneries tout à l'heure, faut que je me rattrape à un moment donné, tu vois. En 1872. Donc c'est quand même assez vieux, quand même. Juste après, on a eu le Sequoia National Park et Yosemite en 1890. Donc c'est les trois premiers qui ont été créés. Donc c'est des parcs qui ont été donc créés pour conserver les paysages, les objets naturels et historiques. Et donc on a 30 États qui ont des parcs nationaux. Et celui qui en a le plus, donc c'est la Californie. Je pense que je suis pas étonné. Ouais. Ouais. Ouais, si. Je pense. Et après, il y a beaucoup, je pense, dans Arizona et l'Utah, je pense. Ouais. Mais voilà. Alors moi, j'en ai choisi quelques-uns qui me plaisaient bien, que j'ai détaillés. Donc j'ai choisi Yellowstone parce que c'est le premier qui a été créé, et puis parce que je crois que Gaëlle c'est le plus connu en plus. Ouais, c'est mon rêve absolu, c'est d'aller à Yellowstone. Ouais. Voilà. Donc. Et ben on y va la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Je lance une cagnotte Michi. Payez un voyage aux États-Unis à Gaëlle. Alors Yellowstone, il est à cheval sur 3 états. Je savais même pas ça. Donc on a l'Idaho, le Montana. Il fait 40 000 km. Hein. Ouais, bah c'est ça. Donc Idaho, Montana, le Wyoming, parce qu'effectivement, il fait 8 983 km². D'ailleurs, j'en profite pour passer un bonjour à Anna Montana. Merci. D'accord. Allez, moi j'y vais, au revoir. Je connais pas Anna Wyoming. Donc c'est un parc qui est plus grand que la Corse quand même. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Toi, c'est petit la Corse. En même temps, quand tu sais que ouais, le Texas mais... est plus grand que la France aux États-Unis, oui, c'est tu vrai. Dis que tout ouais. est, oui, tout est plus grand là-bas. Fou. Les burgers, enfin, ouais. tout est plus tout grand. Tout est plus grand, même le pays finalement. Tout est vraiment. Même le Covid, il est plus grand. Il est plus grand. Donc c'est un parc qui a de, en fait, qui est connu donc pour les tous ces phénomènes géothermiques, donc bien sûr. Il y a des geysers, non, là-bas? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y a des geysers, et d'ailleurs c'est rigolo, il y a dans un des geysers du parc que les scientifiques ils ont découvert une bactérie qui leur a permis de mettre au point la fameuse PCR qu'on connaît bien aujourd'hui. Ah ouais. Donc, c'est grâce aux geysers de Yellowstone. Voilà. Donc, je trouvais ça rigolo. Tu savais que quoi? Que c'était des bons à Yellowstone. Voilà. Ouais, c'est, oui. c'est grâce à eux qu'on se fait des tests PCR aujourd'hui. Vous n'avez pas d'autres techniques Ouais, c'est ça, ils n'auraient pas pu trouver autre chose. Genre non, mais n'empêche que ça a révolutionné le génie génétique au-delà de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et donc voilà, il y a plein de choses qui sont un peu compliquées à expliquer à Yellowstone parce qu'il y a plein de phénomènes dans la Terre, etc. Il y a des volcans, il y a les geysers, il y a pas mal de choses. Alors, Yellowstone contient quand même 2/3 des geysers de la Terre. Ah la vache, oh, oui, c'est énorme. Énorme. Oui. Ouais. Il y a plein de sources d'eau chaude aussi. C'est des sources d'eau chaude qui sont chargées en calcaire. Et il y a tout un circuit dans le sol qui se passe. Et en gros, ça forme, il y en a pas mal qui forment des sculptures naturelles. Et donc, c'est ça que les gens viennent beaucoup visiter dans ce parc. Et la plus connue, c'est Mammoth Hot Springs. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Voilà, qui est assez sympa. Si vous voulez taper ça sur Google, c'est des petites sculptures assez sympas. Voilà. On a donc, je vous disais, des volcans. On a des. Il y a la. Par exemple, la caldeira de Yellowstone, c'est une chambre de magma sous haute pression. On a des cratères avec la lave qui s'échappe par des fissures. Enfin, vraiment des choses un petit peu folles comme ça à voir. On a le plus connu, l'image que vous voyez partout quand vous tapez Yellowstone, c'est le grand prismatic spring. C'est, voilà, c'est la source d'eau chaude la plus connue dans ce parc. C'est la plus grande source d'eau chaude américaine. Et donc, en fait, en gros, c'est un cratère qui est plein de petits organismes thermophiles qui se colorent donc en brun, jaune, vert ou bleu, et ce qui fait des choses assez incroyables et qui donne envie d'aller visiter ce parc. D'aller se baigner dedans, voilà. Non, pas trop, ça, tu par contre. Hein. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et puis, vous pouvez aussi trouver des ours, des cerfs, des coyotes, des bisons, des élans, des loups. Donc, même pour la faune, c'est vachement sympa à visiter. Donc, je m'étonne. Voilà. J'ai jamais vu de bison et j'aimerais trop avoir un jour. Et bah Yellowstone. Voilà. Bah moi j'y vais la semaine prochaine, je veux voir un bison. Okay. Voilà. Ensuite j'ai choisi un autre parc américain qui est moins connu. Je me suis dit tiens, il a l'air sympa, c'est Crater Lake. Alors là, jamais entendu parler. Voilà, bah moi non plus, c'est pour ça que je me suis dit tiens, si j'en parlais. Alors il se trouve dans l'Oregon. L'Oregon, ça l'Oregon, c'est voilà. Oh, mais c'est de pire en pire les vannes par là-bas. En fait, c'est un parc qui est surtout, en gros, ce qu'il y a de plus intéressant à voir, c'est le lac le plus profond, non, le 9e lac le plus profond de la planète et le premier aux États-Unis. Ah ouais? Ouais, parce que il. Attends, j'ai la profondeur, je sais plus. Enfin, non, j'ai plus la profondeur, j'ai même pas la profondeur. Invente. 26 mètres, 25. Non, le plus profond, à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. 274 000 mètres. Allez hop, c'est bon, ça passe. C'est plus profond que la Terre. En fait, tu te baignes dans les noyaux terrestres. Tu pars des États-Unis, t'arrives en Australie, en fait, quand tu sors du lac. Non, mais il y a une explication. Ce lac est aussi profond parce qu'en fait, il occupe le cratère d'un volcan qui est entré en éruption il y a plus de 7500 ans. Donc, forcément. Et l'eau, elle est extrêmement pure, ce qui lui donne une couleur très bleue et très sympa. Malgré la profondeur, il est très très bleu parce que l'eau est très pure et donc je trouve que c'est assez sympa. Ça a l'air beau à visiter. Il est entouré de plein de falaises et de forêts de conifères et donc vous pouvez y aller en hiver, en été. On a des paysages complètement différents, mais c'est vachement sympa parce qu'on a un lac. Voilà. Alors, Crater Lake, hein, c'est ça? Ouais, c'est okay. ça. Et il est assez petit, donc ce qui permet de le visiter en une journée pour les secteurs qui sont accessibles en voiture. En fait, on a la fameuse route qui traverse des points de vue qu'on a dans pas mal de parcs. Donc là, c'est la Rim Drive. Donc c'est une route qui passe par 30 points de vue aménagés. Ah et oui. Si vous faites cette route-là, en gros, vous pouvez le faire en une journée et ça vous permet de visiter. De toute façon, les États-Unis, ils adorent la bagnole, donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont fait ça. Oui. Ouais. Mais je trouve que c'est assez sympa à visiter en voiture. T'as des petits points de vue où tu peux t'arrêter. Ouais, tiens, ça c'est joli et tout. Donc, je trouve que le principe est sympa. Voilà. Un dernier. Ouais. On en a pas du tout. J'en ai d'autres. Invente. Je t'en ai pas. Reste une minute, vas-y. Non, j'ai les Everglades parce que c'est un parc aussi, que j'ai trop envie de visiter aussi. Je trouve là, que c'est sympa. Pour le coup. Voilà, exactement. Là, les flics, ils doivent. Ah, c'est pas l'aube. Hein. Parce qu'eux, ils les arrêtent pas avec une laisse, mais avec un revolver. Sinon, c'est autre chose. Pas pareil. Donc là, bah, on part en Floride. Hein. Donc c'est la plus grande réserve subtropicale des États-Unis. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça n'a rien à voir. D'habitude, les parcs américains, on voit beaucoup des déserts un peu arides, etc. Là, c'est rien à voir. On nous part dans des marécages, des trucs assez sympas. Donc évidemment, c'est surtout réputé pour une faune et une flore très rares et surtout très abondantes. C'est surtout ça qui est impressionnant. Bah, oui. Bah, c'est le climat, quoi. De toute façon, c'est forcément. Voilà, et c'est vraiment un parc qui a été créé pour protéger un écosystème qui est assez fragile parce qu'en fait, il contient des espèces qui sont menacées. On a 36 espèces qui sont protégées, dont par exemple dedans la panthère de Floride qui revient enfin c'est des espèces qui reviennent souvent parce qu'apparemment ils sont quand même bien menacés. On a le crocodile américain et le lamantin des Caraïbes. Ah mais c'est oui. Non. Par contre ils sont pas emmerdés pour le crocodile. Hein. Crocodile américain. Ouais. C'est ça. Il a plus le droit. Il a pas ses papiers pour voyager quoi. Je veux dire le crocodile américain il se retrouve au Botswana il dit ah non frère faut faire demi-tour. Hein. T'as pas ton papier là. Et bah là où c'est comment faire une transition avec ça tu te débrouilles et ben bah, on a quand même plus de 350 espèces d'oiseaux, 300 espèces de poissons, 40 espèces de mammifères et 50 espèces de reptiles. Ah oui, c'est énorme. Voilà. C'est énorme, ouais. Donc, voilà. Et j'avoue on a plus que sur la planète. 6000 km² de mangroves et de marais, et donc ça me donne vachement envie d'y aller. Je sais pas vous. Ah bah moi, là, je suis en train de réserver. On va retrouver Yellowstone. Elle me dit ça à chaque fin de chronique, Amélie. Ah bah oui. 6000 km² de marais, moi ça me. Oh là là. Oh, mais tu verras un crocodile. Enfin, oui. Plusieurs même. Le lamantin des Caraïbes. Je sais pas ce que c'est. Il y a le lamantin des Caraïbes qui me dit qu'il faut que je lance le jingle de fin. Ah. Voilà. On va citer alors. Désolé. Hein. Et voilà, il est déjà 18h59. C'est la fin de la voisinade. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont pu nous écouter de travers aussi, comme Thomas qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il pouvait pas m'écouter en entier. C'est pas bien. Merci aussi à tous les chroniqueurs de nous avoir travaillé. Chroniqué. J'avais dit que je ferais un lancement bien aujourd'hui, mais visiblement. Ouais, c'est non, pas ça va toujours pas bien. On se retrouve le jeudi 3 février, toujours à la même heure à 18h sur Fadjet 94.2. Passez une bonne fin de semaine. Ciao, ciao. Ciao, bisous.